C'est sûr qu'au niveau cosmique, si je fais le lien avec les propos qu'avait tenus Bernard de Montréal, bon, il parlait de l'avènement de la régence planétaire pour 2070. C'est sûr qu'à l'échelle d'une grande quantité de temps, on est en 2020, donc d'ici 50 ans à peu près, il va y avoir un changement de cap qui risque de s'opérer sur la Terre, là. Oui, mais ça, je trouve ça loin un petit peu, là. Ça va se jouer plus vite que ça, là, je pense. De toute façon, on dirait que notre mesure du temps est plus la même, là. À moins, c'est pour ça qu'ils veulent de plus en plus nous plugger sur, tu sais, ce qu'ils appellent les électroménagers et branchés, là, Ouais, intelligents, les là, pour objets qu'ils se remettent à connectés, là. jour à mesure. Le temps, la perception du temps, puis le temps est en train de changer. Puis, ça nous est caché. Pourquoi? Parce qu'on est sur le bord de changer de cycle, là. C'est sur le bord de. On est vraiment. Une vie humaine, c'est un clin d'œil à l'échelle de l'univers. C'est vraiment rien. Puis, on est à ce niveau-là, à cette échelle-là, on est très, très proche. Que si on se met à calculer le temps de même, on est fait. Parce que le temps change, la perception change. C'est pour ça que ça a été dit, il a été écrit, personne ne connaît ni la date ni l'heure, parce que ça compte plus, là. Ils veulent altérer l'ADN, puis ça s'est passé dans le cycle d'avant, au début du cycle d'avant. C'est comme, c'est pour ça, à un moment donné, il y avait des, c'est pas pour rien qu'on a les mémoires au niveau de la mythologie, de toutes sortes d'horreurs. Des cyclopes, puis des centaures, puis toutes sortes de cochonneries. On s'en retourne vers ça. Fait que là, on va en voir des bébites, on va en voir des monstres, puis ça va être, ils vont être fiers de ça, eux autres. La gardienne, là, elle s'est rendue compte que l'enfant qu'elle garde, il est plus intelligent qu'elle, puis qu'il est plus important qu'elle, puis qu'il va devenir plus qu'elle. Puis elle était tellement pas contente qu'elle a voulu devenir danse comme lui. Elle a voulu être elle aussi un enfant aimé, là, dans la maison, que c'est sa maison, qu'un jour c'est lui qui va hériter de la maison. Puis là, les corps sont morts. On est encore pris avec ce maudit esprit-là qui plane au-dessus parce qu'il y a la maudite couche énergétique, là, tu sais, qui est, comment je pourrais dire ça, c'est psychomatériel, c'est électromagnétique, ça englobe la planète, puis la mémoire est enregistrée là-dedans. Puis il n'y a personne qui comprend que ça va s'accentuer parce que c'est de plus en plus enragé, c'est de plus en plus agressif. Puis là, ça va être le tout pour le tout parce que. Ça va perdu d'avance, c'est encore plus en colère. Ça va pas se faire sacrer dehors de la maison sans faire une crise.